Francis Jammes, je pense à vous. Clairière dans le ciel, 1906. Je pense à vous. Mes yeux vont du buisson de roses aux touffes du chaud seringa. Je voudrais vous revoir quand les raisins muscats dorment auprès des reines Claude. Depuis que je suis née, je sens au fond du cœur je ne sais quoi d'inexplicable. Je vous dis que la rose est tombée sur le sable, que la carafe est sur la table, que la fille a mis ses sandales et que le scarabée est plus lourd que la fleur. Mais tous ces foins, les aura-t-on bientôt fanés? Oh, mais mon ami, tout se fane, le foin tremblant, le pied de l'âne, les chants du merle et les baisers. Mais nos baisers, amis, ne se faneront point? Non, certainement. Que le foin se fane, disais-je, c'est bien. Mais nos baisers, amis, ne se faneront point.